Les négros sont fragiles comme Abu Dhabi. Si t'as presque les autres vers, c'est la volonté d'Allah. Sache le bamboula et pense à te repentir avant qu'il ne soit trop tard et que ça soit l'heure de partir. Pour toi, moi je suis en pleine santé car je vénère pas Lucifer. Mais comme d'habitude, c'est les couffards qu'ils vont fustiger. Ils ont infiltré le clergé comme ce youtre de l'estiger. Jusqu'à mon dernier souffle, je compte pas les laisser faire. Au pays des droits de l'homme, on peut nier Dieu, mais pas la Shoah. Croire que le laïc, ce n'est pas la seule religion d'État. Vivement encouragé par les idolâtres du dieu Born qui se réunissent pour se branler entre copains les soirs de solstice. C'est sans état d'âme qu'on écrasera les chlomos pagans. Faut bientôt ou tard qu'on les fasse expier pour leur blasphème. Toutes les civilisations se volent pas. Pareil pour les monothéismes. Le christianisme est supérieur à leur secte ésotérique. Les institutions sont noyautées par la franc-maçonnerie. C'est pour ça que je préfère me faire justice seul. Comme Luca Train, les milices politiques du pouvoir, c'est tout ce qu'elle a poli. Je peux pas m'empêcher d'applaudir quand je vois l'un d'eux qui agonise. Je me sens comme dans la fosse au lion, coincé entre Taka et Oudspa. Bientôt j'aurai plus le choix contre la Dija et la Shahada. Comprends que je sois pas très accueillant vers les necs du désert qui voudraient importer chez nous les coutumes des trois merdes qui leur servent de pays. L'occupation c'était pas si inhumain, faut bien dire la vérité. Les petites contrariétés des sémites, c'est pas ce qui me préoccupe. Plutôt le sort de mes ancêtres qui crevaient la dalle à l'époque. C'est le mur des lamentations sur la page Facebook du CRIF pour reprendre les expulsions avant qu'ils détruisent notre nation. Le billet de banque a remplacé le veau d'or. Et c'est en toute décontraction qu'ils adorent Mammon.